se souviennent d'une vieille tradition que l'on appelle trash en rond. C'est que je tournerai encore, c'est que je chanterai encore, c'est que nous sommes les papas du Nord, c'est que nous winner en hardcore.